On les a appelés les Galeux. Les Galeux, oui. Galeux, c'est-à-dire les militants du GAL, groupe antiterroriste de libération, une mystérieuse et redoutable organisation qui, dans les années 80, a tué une trentaine de personnes en France, essentiellement dans le sud-ouest. C'est-à-dire beaucoup plus que, par exemple, le terrorisme proche ou moyen-oriental pendant la même période. Les victimes ont été en général basques. En effet, cette organisation contre-terroriste entendait répondre aux attentats de l'ETA, l'organisation indépendantiste basque, en s'attaquant à ses chefs et ses militants qui trouvaient refuge sur le territoire français entre deux coups de main en Espagne. La création de ce GAL, l'impunité avec lequel il a agi pendant si longtemps, l'identité des commanditaires des tueries posent de nombreuses questions. Et si de récents et retentissants procès en Espagne ont permis de soulever un coin du voile sur ce qui apparaît bien être un terrorisme d'État, il demeure néanmoins beaucoup de mystères. C'est pourquoi, à la demande de nombreux auditeurs, j'ai invité cette semaine M. X à me parler de cette organisation qui n'était nullement inconnue des services secrets. Des services secrets français aussi, bien entendu. Je voudrais tout de suite vous dire, avant d'évoquer ce dossier, qu'il ne faut pas oublier qu'en Espagne, aujourd'hui encore, le théâtre continue à frapper. Et à assassiner. Oui. L'organisation semble entraînée dans une spirale sans fin, complètement folle pour te dire, alors que les trois provinces basques jouissent d'une autonomie considérable et qu'une partie au moins des revendications des nationalistes a donc été satisfaite. Il faut en tirer une première conclusion. Les actions contre-terroristes perpétrées par les commandos du GAL n'ont pas réussi du tout à éradiquer le terrain. Terroriser les terroristes, enfin pour reprendre une célèbre formule, ça ne sert donc à rien. Rarement, non. Un État démocratique échoue presque toujours quand il utilise les mêmes moyens illégaux que ceux qu'il combat. Voilà, bien moral aujourd'hui. Que voulez-vous, c'est peut-être l'expérience qui m'a appris cela. Regardez par exemple ce que nous avons fait à l'époque de la guerre d'Algérie. Les services français ont traqué les marchands d'armes qui approvisionnaient le FLN. Ils ont commis des assassinats, fait sauter des bateaux. Oui, la fameuse main rouge, c'est ça. Oui, ça n'a pas empêché les Algériens d'accéder à l'indépendance. Mais enfin, là, je m'éloigne. Oui. En tout cas, enfin, ça signifie que d'emblée, vous considérez que le GAL était une création de l'État espagnol. Évidemment. Je me demande même qui a pu en douter un jour. Mais c'est vrai qu'on a longtemps nié, à Madrid comme à Paris. Oui, on ne voulait pas voir. On ne voulait pas avouer, vous voulez dire. Mais il y avait tellement de cadavres dans le placard. Parce que si le GAL est une création des années 80, cette histoire commence bien avant, sous le franquisme. Et nous, Français, nous n'avons pas toujours joué le beau rôle dans cette affaire. Racontez alors. Un mot d'abord sur le nationalisme basque. Il a pratiquement toujours existé. Et sans remonter trop loin, il suffit de rappeler la part importante qu'ont prise les Basques dans la lutte contre les militaires putschistes pendant la guerre civile. Ils l'ont payé très cher, hein. Guernica par exemple. Vous avez raison, la conséquence c'est que nombre de ces Basques qui avaient combattu dans le camp républicain se sont réfugiés chez nous après la guerre. Au Pays Basque, c'est ça? Principalement. Cette époque est née l'idée de sanctuaire. En France, pays des droits de l'homme, les nationalistes basques et espagnols pouvaient légitimement se sentir à l'abri. En outre, chez leurs frères du Nord, ils étaient assurés de recevoir soutien et hospitalité. Ouais, ils avaient surtout la possibilité de passer aisément les Pyrénées pour mener des actions armées chez eux. Naturellement. C'est à la fin des années 50 que sera créé l'ETA. L'ETA, ça signifie... ETA, ça veut dire Pays Basque et Liberté. Ouais. Le mouvement est né d'une scission au sein du vieux parti indépendantiste, le PNV. Et l'ETA se situe d'emblée résolument à gauche, sinon à l'extrême gauche. L'ETA, dès sa création, passe immédiatement à l'action, non? Non, c'est seulement à la fin des années 60 que les militants de l'ETA vont se livrer à des actions terroristes en Espagne. Mais les autorités franquistes, même si elles combattent avec férocité ces indépendantistes, ne les prennent pas encore trop au sérieux. Tout va changer en 1973. Que se passe-t-il? En décembre de cette année, la voiture blindée de l'amiral Carrero Blanco, chef du gouvernement franquiste, saute sur une bombe. Un attentat minutieusement préparé et qui prouve à l'évidence que ses auteurs ne sont pas des amateurs. L'acte est doublement symbolique. D'abord parce que c'est le premier ministre qui est éliminé, donc le deuxième personnage de la dictature après Franco, mais aussi parce que Carrero Blanco a été longtemps le chef tout-puissant des services de renseignement espagnols. Et donc le principal responsable de la lutte contre les indépendantistes basques. Et aussi de la politique de répression contre tous les républicains espagnols. Cet attentat a donc un grand retentissement. Non seulement le théâtre, d'une façon spectaculaire, fait preuve du professionnalisme de ses militants, mais sa lutte armée contre un régime dictatorial lui acquiert la sympathie des partis de gauche et plus généralement des démocrates dans le monde entier. J'imagine, enfin, je crois me souvenir que Franco réagit très durement. C'est évident, l'affront est colossal. Et les militants nationalistes basques sont pourchassés. Il y a de nombreuses rafles, les hommes arrêtés sont bien sûr torturés quand ils ne sont pas purement et simplement exécutés. Et déjà à l'époque, il est clair que les autorités espagnoles sont décidées à utiliser l'arme du contre-terrorisme. En Espagne ? Et en France. Car les services de renseignement savent très bien que les chefs de l'ETA sont cachés dans le sanctuaire français, comme on l'appelle désormais. Il existe par exemple une organisation du nom de BBE, Bataillon Basque Espagnol, qui va commettre plusieurs assassinats chez nous. Qui compose à l'époque ces groupes antiterroristes ? Ah, c'est une question très intéressante. Les commanditaires sont bien sûr les responsables des services secrets de Madrid. Mais les tueurs, eux, ne sont pas forcément espagnols. Pourquoi ? Parce que l'Espagne ne tient pas à être directement impliquée ? C'est ça, oui. Et parmi les membres de ces commandos contre-terroristes, il va se trouver pas mal de Français. Pourquoi les Français ? L'Espagne, nous en avons déjà parlé, a été une terre d'accueil pour les hommes de l'OAS. Certains s'y sont installés paisiblement et ont refait leur vie. D'autres ont choisi le retour en France. Ouais, avec la bénédiction de Paris, d'ailleurs. Et la promesse de l'impunité s'ils s'engageaient à rester tranquilles. Des accords secrets avaient été passés. C'est le commissaire Michel Barouin qui avait été chargé de cette délicate opération. Mais d'autres activistes n'avaient pas renoncé. Certains avaient même basculé dans le banditisme. Alors les services espagnols vont donc recruter chez ces hommes, c'est oui, ça ? Oui, vous avez là une pépinière de tueurs. Des gens qui étaient en outre en sympathie idéologique avec le régime franquiste. Il n'avait pas choisi par hasard de s'exiler en Espagne. Bien entendu. Il faut aussi noter qu'il aurait été plus facile d'agir en France que les Espagnols. Alors on va assister à la constitution de mystérieux réseaux où les anciens OAS vont parfois côtoyer de vrais truands, mais aussi des hommes de main du SAC. Oui, le service d'action civique. Ça vous étonne ? Le SAC, mouvement gaulliste en principe, a souvent flirté avec l'extrême droite et n'a jamais répugné à utiliser les talents très spéciaux des hommes du milieu. Mais il y a plus grave. Ces groupes contre-terroristes ont aussi bénéficié de complicité à l'intérieur même de la police française. Ça leur a permis de repérer quelques-unes de leurs cibles plus rapidement. Et vous parlez de la police là, mais nos services secrets ont-ils aussi collaboré avec les Espagnols ? Malgré les réserves officielles qu'exprimaient nos dirigeants de l'époque à l'égard d'un gouvernement antidémocratique, il est certain qu'il existait des contacts entre nos services de renseignement respectifs. Les Espagnols étaient très bien introduits dans les pays arabes et à l'occasion, ils nous ont fourni des tuyaux très utiles. Par conséquent, il y a eu, comment dirais-je, échange de services. On peut voir les choses comme ça, mais il fallait surtout pas le crier sur les toits. Je peux aussi ajouter que des raisons plus strictement commerciales, les ventes d'armement par exemple, imposaient que nous entretenions de bonnes relations avec les services secrets espagnols. Ouais. Donc si je comprends bien, à différents niveaux, des Français ont été complices de l'élimination des nationalistes basques. Ah, c'est malheureusement la vérité. Et dans les années 70, il y a eu effectivement plusieurs assassinats perpétrés par ces commandos contre-terroristes sur notre territoire. Ouais. J'ajoute une donnée qui va être essentielle. Lorsque Franco disparaît en 1975, l'Espagne va peu à peu évoluer vers la démocratie. Ouais, mais le TA abandonne-t-elle pour autant la lutte ? Pas du tout, mais en raison de cette démocratisation progressive, il sera de plus en plus difficile aux autorités françaises de résister aux pressions espagnoles. Les pressions, c'est-à-dire ? Madrid reproche vivement à Paris d'abriter les terroristes de l'ETA dans ce fameux sanctuaire du Pays Basque. La France, elle, répond qu'il s'agit de réfugiés politiques, il n'est donc pas possible de les expulser ou même de les extrader. Mais pour calmer les Espagnols, il est tentant de fermer les yeux sur les activités des commandos contre-terroristes sur notre territoire. Même, avez-vous dit, de leur donner un petit coup de main, quoi. Bah, mais ma main droite est censée ignorer ce que fait ma main gauche. Toutefois, la donne va bientôt changer. Parce qu'en France, la gauche arrive au pouvoir. 80. Et qu'un an et demi plus tard, le Parti Socialiste Espagnol remportera les élections législatives. Et les choses vont à la fois devenir plus simples et plus compliquées. L'utilisation d'anciens de l'OAS dans la lutte contre l'ETA est avérée. Dans son livre sur l'OAS, Rémy Coffer cite en particulier le cas de Jean-Pierre Chéride, un para pied noir qui a tâté du grand banditisme avant de devenir mercenaire au Biafra. Voici ce que ce grand spécialiste du monde du renseignement écrit. Quand l'organisation secrète basque exécute fin 1973 l'amiral Carrero Blanco, bras droit du Caudillo et chef des services spéciaux, une lutte à mort s'engage. Police et services secrets franquistes jettent les bases de réseaux anti-ETA. Pour ce type de travail, quoi de mieux qu'un soldat perdu comme Jean-Pierre Chéride, moyennant finance et promesse d'une prime substantielle pour son épouse madrilène en cas de malheur, il accepte de participer à la guerra sucia, la guerre sale contre le TA. En 1976, affirme Coffer, Chéride fait partie des militants fascistes qui tirent sur une manifestation de gauche. Bilan, 2 morts. Ensuite, et je cite à nouveau, le 21 décembre 1978, 5 ans jour pour jour après l'assassinat de Carrero Blanco par les Etarras, il est à la tête du commando qui place une charge mortelle sous la voiture de José Miguel Benarán Ordenana, dit Argala, l'un des principaux chefs de l'ETA. Le coup a lieu au Pays Basque français, à Anglette. Le 24 novembre 1980, Jean-Pierre Chéride est également l'organisateur de la fusillade meurtrière d'Andaye. 2 morts et 10 blessés. Mais personne ne cite publiquement son nom, bien qu'il soit alors question d'un certain Jean-Pierre, ami des frères Perret, pieds noirs liés au milieu et anciens activistes réfugiés en Espagne après la guerre d'Algérie. Une carrière remarquable en somme, que le déclenchement prématuré d'un détonateur brise net 2 jours avant le printemps de 1984. Le livre de Rémy Coffer a été publié chez Fayard et bientôt paraîtra une nouvelle édition remaniée. François Mitterrand, dès son arrivée au pouvoir en 1981, fixe la politique qui doit être celle de la France vis-à-vis du problème basque. En gros, notre pays doit demeurer fidèle à sa tradition de terre d'asile. Oui, c'est-à-dire pas d'expulsion ni d'extradition de Basques. C'est ça. Mais pour autant, la police et la justice traiteront avec la plus grande fermeté les agissements des clandestins basques sur notre territoire. Bref, la France ne doit pas être une base opérationnelle pour les terroristes. Est-ce que ce n'est pas ça, faire le grand écart? D'une certaine manière, oui. Parce qu'il se pose la question du sort des clandestins basques qui seront arrêtés en France du fait de leurs activités délictueuses supposées. Au vu des dossiers présentés par l'Espagne, notre justice peut se prononcer en faveur de l'extradition. Mais le gouvernement français, en fonction de sa doctrine sur le droit d'asile, doit refuser cette extradition. Ah oui, alors que faire? Ben, on les assigne à résidence, mais ils en profitent généralement pour jouer la file de l'air. Il pourrait être surveillé par la police. Hein. En principe, oui. Mais si on place des policiers derrière chacun de ces hommes, ça va coûter très cher. Ouais, donc, le gouvernement français est très embarrassé. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il doit faire face à une attaque en règle des autorités et de la presse espagnole. Ouais, qui accuse la France d'encourager le terrorisme. Exactement ça. D'autant qu'à Madrid, on clame haut et fort que le régime étant désormais démocratique, rien ne s'oppose à l'extradition de ces terroristes accusés de crimes particulièrement sanglants et que Paris considère abusivement comme étant des réfugiés politiques. Ouais. Et le gouvernement français campe sur ses positions? Bah, il ne peut pas faire autrement. L'opinion de gauche ne lui pardonnerait pas de remettre ses basques à la police espagnole. Une police qui, malgré la démocratisation, emploie toujours des méthodes musclées. La torture. Hein. La torture, bien sûr. En outre, le gouvernement français redoute en cédant aux Espagnols que l'ETA ne passe à l'action en France même. Et certains chefs de l'ETA arrêtés par des policiers français ne se sont pas gênés pour le dire. D'autre part, vous le savez, il existe aussi des nationalistes basques chez nous. Oui, Ibarretarac, c'est ça. Oui, un mouvement armé qui est loin de disposer de la force de frappe de l'ETA et qui est d'ailleurs considéré avec une certaine condescendance par le grand frère du Sud. Ouais, il n'empêche que ces militants seront à l'origine de quelques attentats très très violents. Et d'assassinats de policiers. Et si l'ETA venait à déclarer la guerre en France, Ibarretarac pourrait bien donner un coup de main à l'organisation terroriste. Toutefois, à Paris, avec l'arrivée au pouvoir de Felipe González, on peut espérer que nos relations avec l'Espagne vont s'améliorer. Oui, parce qu'il est socialiste, hein, comme le gouvernement français. Oui, naturellement. Et alors que maintenant, une connivence idéologique entre Paris et Madrid, même si dans les relations d'État à État, ce genre de rapprochement est souvent illusoire. Oui, sans doute, mais ça va quand même aider. Puis, le gouvernement français peut toujours espérer que les socialistes espagnols vont mener une autre politique vis-à-vis des indépendantistes basques. Au cours de la campagne électorale, González a en effet prôné le dialogue. Ah oui. Et les nationalistes modérés attendent beaucoup des socialistes espagnols. Oui. Plus d'autonomie, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Et les plus durs, alors, ceux de l'ETA dont certains militants du parti Herri Batasuna, qu'on a souvent présenté comme étant la vitrine légale de l'ETA. Ouais, ouais. Eh bien, n'espère rien de bon de González. Mais pourquoi? S'il existe une réelle possibilité de faire la paix. Ben, l'ETA n'y croit pas. Parce que Felipe González ne pourra jamais leur accorder ce pour quoi ils se battent, c'est-à-dire l'indépendance. En admettant même qu'ils soient tentés de le faire, ce dont je doute, ils savent qu'il en sera toujours empêché par l'armée. L'armée qui, malgré la démocratisation du régime et l'échec du putsch de 1981, reste toute puissante. Ouais, l'armée garante de l'unité nationale. Oui, disons-le franchement, elle occupe encore une place exorbitante. Alors, dans ces conditions, malgré les offres de paix du gouvernement socialiste, les indépendantistes de l'ETA vont faire la politique du pire et tenter de miner la jeune démocratie espagnole en continuant leurs attentats meurtriers. Alors, il y a donc une sorte de collusion objective entre l'ETA et l'armée, au fond. Tout à fait. Mmh. Au fond, sous la botte franquiste, le combat de l'ETA était beaucoup plus légitime, beaucoup plus populaire. Alors, il regrette Franco. Est-ce qu'on va assister à cet apparent paradoxe? À chaque fois que Felipe González proposera d'ouvrir des négociations en vue d'aboutir à la paix, ben, il se produira une recrudescence des attentats. Et les commandos de l'ETA n'hésiteront pas à éliminer ceux des leurs qui seraient prêts à accepter de discuter avec le pouvoir. Même des hommes qui avaient été emprisonnés sous Franco. Mmh. Donc malgré lui, le chef du gouvernement socialiste, enfin, poursuit la politique de répression. Ben, il est obligé. Mmh. Une parenthèse avant de poursuivre. Est-ce que les nationalistes basques bénéficient d'un véritable soutien populaire? Incontestablement. En 1984, il y aura des élections au Pays basque espagnol. Les partis nationalistes obtiendront presque les deux tiers des suffrages. Oui, mais la population basque, enfin, soutient-elle pour autant la politique meurtrière de l'ETA? Non, pas dans sa totalité. En fait, les Basques sont très divisés. Mais ces deux tiers qui ont voté nationalistes sont au moins d'accord pour réclamer un scrutin d'autodétermination. Mmh. Et les relations avec la France, alors? Elles sont toujours chaotiques. Mitterrand refuse toujours les extraditions, mais il encourage la collaboration entre les deux polices. Et certaines arrestations opérées en Espagne n'ont pu être effectuées que parce que la France avait fourni de précieux renseignements. Toutefois, le grand tournant va se produire en octobre 1983 avec la tragique affaire du capitaine Barrios. Rappelez-moi là, de quoi s'agit-il? Alberto Barrios, c'est un modeste officier de la pharmacie militaire en poste à Bilbao. Pays basque donc. Hein. Et au début du mois d'octobre, il est enlevé. 15 jours plus tard, on retrouve son cadavre. Cet assassinat, après ceux dans la même semaine de deux gardes civils, d'un citoyen ordinaire et d'un médecin de prison, provoque une intense émotion en Espagne. Oui. Et au sein de l'armée, j'imagine. Oui. Et Felipe González prend aussitôt conscience du danger parce que Barrios est le premier officier exécuté par l'ETA depuis son arrivée au pouvoir. Oui. Il est contraint d'engager l'épreuve de force avec les nationalistes. C'est inévitable. Sinon, l'armée risque de bouger et ça va avoir deux conséquences principales. En Espagne même, où on va renouer avec la tradition franquiste de la lutte clandestine contre terroristes. Et en France aussi, où le gouvernement socialiste va infléchir sa politique et finalement reconsidérer sa position. En abandonnant le principe du droit d'asile pour les réfugiés basques? Oui. À l'Élysée, on estime qu'il faut à tout prix venir en aide à la démocratie espagnole. Pour la gauche, c'est une révision déchirante qui va déclencher une violente polémique. Oui, ça je m'en souviens. Et même au sein du gouvernement, cette nouvelle politique ne fera pas l'unanimité. Le garde des Sceaux, Robert Badinter en particulier, résistera jusqu'au bout. Enfin, il faut aussi dire que la multiplication des assassinats, et surtout celui du sénateur socialiste Enrique Casas, permettra à Paris d'en finir avec la notion de sanctuaire français. Alors, ça veut dire que des Basques arrêtés en France vont donc être extradés. La plupart seront expulsés à l'étranger, en Amérique du Sud ou en Afrique. Mais c'est vrai qu'en septembre 84, François Mitterrand donnera son feu vert à l'extradition en Espagne de 4 militants basques. Non sans avoir pris le soin de suivre les avis des plus hautes instances judiciaires et même du Conseil d'État. Il n'empêche quand même qu'on rompt avec une tradition. Ça, c'est certain. Mmh. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ces actes hautement symboliques vont aussi aller de pair avec une connivence beaucoup plus occulte. Mmh. Avec le contre-terrorisme? Oui. Avec le Gall, de sinistre réputation. Dans le deuxième tome de sa chronique élyséenne, L'œil du pouvoir, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, Gilles Ménage, rend publique une lettre que Robert Badinter a écrite au président de la République quelques jours avant que celui-ci ne prenne la décision d'extrader 4 Basques. En voici un extrait. Une décision d'extradition vers l'Espagne, même motivée, sera ressenti très durement à gauche dans des milieux qui nous ont toujours soutenus. L'inconscient collectif de la gauche n'est pas libéré du spectre du franquisme, de ses juges, de ses policiers bourreaux. Nous aurons beau expliquer, montrer la gravité des crimes et les garanties indiscutables offertes par la justice espagnole, rien n'y fera, parce que nous sommes là dans l'irrationnel et qu'on nous répondra toujours qu'ils peuvent être torturés en prison après leur condamnation. À supposer qu'ils ne se laissent pas mourir de faim dans les prisons espagnoles après leur extradition, ce qui ne me paraît nullement exclu. Aussi serons-nous dénoncés à gauche pour avoir manqué dans ce domaine sensible, non aux règles du droit, au moins à notre inspiration traditionnelle. Même l'assassinat évoqué des gardes civils n'arrêtera pas cette réaction. Après tout, nous dira-t-on, s'ils ont tué les policiers, c'était pour venger leurs frères, leurs amis qui avaient été torturés ou tués, eux aussi, par d'autres policiers. Je sais bien qu'il existe des considérations autres, des rapports d'État à État que vous devez prendre en compte, mais, en définitive, la décision que vous allez prendre est de celle qui compte beaucoup pour l'idée qui demeure d'un président dans l'histoire. Et je souhaite de tout cœur que de vous, on dise toujours, c'était un juste et le plus humain des hommes. Commentaire de Gilles Ménage. Il s'agit d'une conception curieusement romantique du terrorisme basque. Son ouvrage, en 3 tomes, riche de révélations, a été publié chez Fayard. De quand datent les premiers actes contre-terroristes du GAL ? Tout de suite après l'enlèvement du capitaine Barrios, et avant même qu'on ne découvre son cadavre. En octobre 83, donc c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que cette nouvelle organisation, enfin le GAL, est l'héritière des anciens groupes contre-terroristes des années 70 ? Tout à fait, et on y retrouvera souvent les mêmes hommes de main, des gens de sac et de corde, anciens OAS, mercenaires, soldats perdus de la Légion, bien entendu des truands. Des truands français ? Français, oui. Essentiellement des hommes appartenant au milieu bordelais et marseillais. Donc, comme on dit, bien connus de la police ? En général, oui. Et certains sont arrêtés ? Quelques-uns, oui. Et les commanditaires du GAL devront faire appel à des tueurs moins expérimentés qui commettront de nombreuses bavures. Par exemple ? Eh bien, 1 fois sur 3, ils se tromperont de cible. Ah, 1 fois sur 3. Ils tueront des innocents, alors ? Oui. Ou alors, ils enlèveront des personnes qui n'ont rien à voir avec le terme. Enfin, n'allons pas trop vite. Car au fond, il ne s'agit pas tant de liquider tous les militants nationalistes. La tâche serait trop longue et quasi impossible que de susciter un climat de terreur au Pays basque français. Et surtout, il importe de faire croire qu'on assiste à une guerre entre deux extrémismes. C'est le gouvernement espagnol qui a intérêt à faire croire ça. Hein. Bah forcément, car il fait tout pour ne pas paraître mêlé aux assassinats perpétrés par le GAL. D'accord, mais vous avez dit au début de cet entretien qu'il fallait être aveugle pour ne pas voir l'implication des autorités espagnoles. C'est juste, mais il faut faire semblant, ne serait-ce que pour ne pas fâcher Paris, ou ne pas obliger Paris à réagir brutalement. Mais on reviendra sur ce dernier point, car il est capital. Oui, d'accord. Mais moi, ce qui me paraît quand même extravagant, c'est que les socialistes au pouvoir en Espagne aient utilisé de tels moyens pour combattre le TA. Le contre-terrorisme ? Ben oui, et la collaboration de type d'extrême droite ou de truands qui avaient déjà fait ce sale boulot sous Franco. Bon, je vous ferai simplement remarquer qu'en France, la main rouge a sévi alors que Monsieur Guy Mollet était au pouvoir. Et puis, où trouve-t-on des mercenaires pour se livrer à des assassinats ou des enlèvements ? Certainement pas la Ligue pour les droits de l'homme. N'empêche... Ça vous choque, c'est ça. Ben oui, mais... Et d'abord, est-on sûr que le GAL était vraiment piloté par le gouvernement espagnol ? Absolument. Le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas ne pas savoir. Il en allait bien sûr de même pour le secrétaire d'État qui était en charge de la police. J'ajoute, et ce n'est pas un élément qu'il faut sous-estimer, que ce ministre de l'Intérieur, José Barrio Nuevo, avait été autrefois franquiste. La continuité, en somme. Et ces deux ministres seront poursuivis et lourdement condamnés à la fin des années 90. Mais rassurez-vous, ils ne resteront pas longtemps en prison. Et Felipe González lui-même, alors ? Le premier ministre espagnol, lui, ne sera pas poursuivi. Mais il perdra les élections en partie à cause de cette affaire du GAL que ses adversaires de droite ne se priveront pas d'exploiter. Non, mais c'est pas ce que je vous demande. González, savait-il et approuvait-il ? Vous voulez que je vous réponde franchement ? Ben, attends, pas moins de vous, oui. Ben, je pense que oui, il était au courant. Il a laissé faire, alors. Peut-être même a-t-il encouragé son ministre de l'Intérieur ? C'est possible. Mais je ne veux pas chercher d'excuses aux socialistes espagnols. Seule l'histoire les jugera. Mais il faut se replacer dans le climat de l'époque. D'abord, il y avait l'opinion publique qui supportait de plus en plus mal les exactions de l'ETA, l'opinion qui réclamait des actes forts du gouvernement contre le terrorisme. Ouais, et donc qui se moquait bien des moyens qu'on utilisait, c'est ça ? Oui, je le pense. Ensuite, il y avait le poids de l'armée, mais nous avons déjà parlé de ça. La démocratie espagnole, après tant d'années de franquisme, demeurait fragile. Enfin, c'est très important... Il ne faut pas oublier que le gouvernement de Felipe González avait hérité de forces de sécurité qui restaient imprégnées par le franquisme et la brutalité de ses méthodes de répression. Ouais, parce qu'on n'avait pas fait le ménage. Non, parce que la purge aurait décapité les organes de sécurité. Le gouvernement ne pouvait pas se le permettre alors qu'il luttait contre le terrorisme. D'autant qu'il y avait dans la police des vrais spécialistes, des types professionnellement très compétents. Ouais. Alors, Selon vous, les socialistes auraient pu être dépassés? C'est probable. Certains éléments ont pu prendre des initiatives douteuses que les autorités espagnoles ont eu ensuite la faiblesse de couvrir. Et à partir de là, elles s'engageaient dans un processus qui ne leur permettait pas de revenir en arrière. Tout à fait. En outre, les assassinats commis par le GAL n'étaient pas perpétrés sur le sol espagnol, ce qui permettait aux autorités de se laver plus facilement les mains, si vous voyez ce que je veux dire. Et la France, vous m'avez dit qu'il y avait quand même eu des arrestations de membres du GAL. C'est exact. Et certains vont être condamnés, surtout après 1986, c'est-à-dire à une époque où le GAL cesse ses activités en France. Et vous allez voir pourquoi. Enfin, 1986, c'est la première cohabitation. Et la politique vis-à-vis des réfugiés basques, terroristes ou pas, change du tout au tout. Le gouvernement Chirac, utilisant la procédure d'expulsion en urgence absolue, se débarrasse de dizaines de Basques. Des expulsions légales? Bah, on peut en douter. Le gouvernement ne s'embarrasse pas trop de précautions. Considérant que la présence de ces personnes sur le sol français représente une menace pour l'ordre public, le pouvoir expulse en urgence sans que les autorités judiciaires soient consultées. Et où vont ces expulsés? Bah, dans la plupart des cas, ils sont remis directement à la police espagnole. Et Mitterrand, président de la République, a laissé faire? Il n'avait aucune possibilité de s'y opposer. Mais il a fait savoir qu'il était hostile à ces expulsions. Il n'a pas été le seul. De nombreuses voix se sont élevées, en vain, bien sûr. Et cette vague d'expulsions, elle explique que le GAL est alors cessé d'agir chez nous? C'est évident. Les Espagnols avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Les opérations contre-terroristes n'avaient plus lieu d'être. Pensez-vous qu'il y a une sorte de marché passé entre Paris et Madrid? Le contraire m'étonnerait. Et la suite allait de soi. Les Espagnols, n'ayant plus besoin du GAL, se sont mis en devoir de le liquider. En 1987, un mystérieux informateur anonyme fait des révélations sur le GAL. La justice française peut alors s'intéresser sérieusement aux assassins. Parce que jusqu'alors, elle avait fait preuve de laxisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Les tueurs du GAL avaient bien été arrêtés avant 1986, mais beaucoup avaient été remis en liberté. Pour quelle raison, quand même? De prétendues erreurs de procédure. Un magistrat s'est particulièrement illustré à lui tout seul. Il a commis 21 erreurs de procédure qui se sont aussitôt traduites par des mises en liberté. Ouais, c'est une sorte de record. Oui, n'étaient nullement innocents. Les assassins du GAL bénéficiaient alors de protection. Mieux, ils étaient aidés par des policiers français. Comment pouvez-vous être aussi péremptoire? Eh bien, parce qu'on a retrouvé sur certains membres du GAL interpellés en France, des documents qui ne pouvaient provenir que des fichiers de la police. Oui, mais attendez, quel genre de documents? Des fiches de renseignement sur des hommes soupçonnés d'appartenir à l'ETA. C'est-à-dire que des policiers français ont désigné ces types à leurs assassins? C'est la triste vérité. Et les hommes qui ont pratiqué ce sale boulot étaient obligatoirement très bien informés. Ouais. Ça veut dire qu'ils appartenaient à des services spécialisés? Bah, il ne peut pas en être autrement. Bah, attendez, s'agissait-il d'initiative personnelle ou bien... Y avait-il une volonté supérieure? Allez savoir. Il fallait calmer les Espagnols qui nous soupçonnaient de protéger les terroristes de l'ETA. Alors certains, à un niveau relativement élevé, ont peut-être pensé qu'une collaboration clandestine avec le GAL permettrait de donner satisfaction à Madrid, sans que ça se sache, puisqu'officiellement la France n'acceptait les extraditions qu'au compte-gouttes. Il est bien sûr difficile d'infirmer ou de confirmer les révélations de M. X. Toutefois, voici ce que je lis dans un numéro de l'hebdomadaire L'Express, daté du 12 avril 2001. Un ancien inspecteur de police, Angel López Carrillo, raconte comment s'effectuait le recrutement des policiers français sur ordre de Julen Elgorriaga, gouverneur de San Sébastien. Dans un reportage diffusé en février par Arte, il maintenait ses accusations. La police française donnait des informations sur la vie quotidienne des membres d'ETA qui se cachaient en France. Il évoque même des participations directes à certaines opérations. Les chiffres avancés sont effrayants. Les informateurs étaient rémunérés par Madrid 150 000 francs pour la mort d'un réfugié, 500 000 pour celle d'un responsable d'ETA. López Carrillo affirme avoir été en relation entre 1983 et 1987, avec trois fonctionnaires en poste dans les Pyrénées-Atlantiques. Le premier aurait été chargé de remettre des notes, deux fois par mois, à l'aéroport de Fontarabie. Ce sous-brigadier, qui a terminé sa carrière dans le Nord, vient de prendre sa retraite. Le deuxième, un inspecteur, est décédé en 1985 dans un accident de voiture. Le troisième est un commissaire de haut rang qui dépend toujours du ministère de l'Intérieur. Mais, à ma connaissance, ces policiers ripoux n'ont pas été poursuivis. Il n'en a pas été De même, en Espagne, où de très hauts responsables de la garde civile ont été condamnés à de lourdes peines pour détention illégale et assassinat.